Chapitre 28e. La malle précieuse. Quand Paulin Broquet, plus tard, sortant de la chambre d'Alice de Mariaille, glissant comme une ombre, entra dans la chambre de Raoul Montreuil, le jeune avocat dormait encore. Tout le monde, d'ailleurs, dormait dans le château, sauf le détective et son fidèle Gabriel. Gabriel avait mission de surveiller l'étage où se trouvaient les appartements réservés aux invités hommes et qui se trouvait au-dessus de celui habité par les jeunes filles et le marquis de Mariaille. Le lieutenant de Paulin Broquet devait laisser, selon la consigne du chef, passer le comte ou celui qui descendrait et se rendrait à l'étage au-dessous, lui permettre d'accomplir son acte criminel, puis, au retour, lui barrer le chemin, le bâillonner, le ligoter et le porter dans la chambre de Raoul. Mais Gabriel ne vit personne sortir des chambres qu'occupaient le comte de Marnay et ses amis. Il crut que l'affaire ne serait pas encore tentée ce soir, contrairement à ce que pensait Paulin Broquet. Aussi fut-il tout étonné quand il vit apparaître son chef dans le couloir, qui lui dit « Ça y est, j'ai ce que je voulais. C'est fait. Oui, va te reposer. Tu me diras ce que tu sais demain. » Paulin Broquet, à l'air surpris de son lieutenant, comprit que personne ne s'était aventuré dans le couloir. Il se demanda alors comment, par où les moustiques avaient pu être lancés dans la chambre d'Alice de Briailles. Il supposait que c'était par la serrure, malgré le mascaron, qu'on les soufflait, ou par une fente de la porte du mur, mais puisque personne n'était passé par le couloir, par l'escalier que surveillait Gabriel, cette supposition tombait d'elle-même. Désormais, il restait à Paulin Broquet à découvrir le chemin qu'on faisait prendre aux terribles insectes. « Nous verrons ça demain, » dit-il. Il pénétra chez Raoul sans l'éveiller. Il savait où se trouvait la pochette remise à son frère par le docteur Robert et contenant diverses ampoules de sérum. Avec soin, il en prit une, emplit la seringue de Prava et se fit une injection à chaque bras. Puis, comme la veille, il se roula dans une couverture, s'étendit sur le canapé et dormit profondément jusqu'au moment où Gabriel, faisant son métier de valet de chambre, vint apporter de l'eau chaude à Raoul pour sa barbe. Paulin Broquet, maintenant que la maison s'éveillait, passa dans le cabinet de toilette de Raoul, où nul ne pénétrait, et s'y cacha, comme il l'avait fait jusqu'ici, derrière un grand rideau qui dissimulait une penderie. Pendant que Raoul s'apprêtait, il lui dit « Mon cher maître, je crois que nous tenons notre homme. Vous avez réussi ?»« J'ai saisi l'instrument du crime, je le tiens. Bravo, racontez-moi, plus tard. Écoutez plutôt ce que l'on doit faire aujourd'hui, car nous jouons gros jeu en ce moment. » « Commandez, chef, » fit Raoul en souriant. « Voici. D'abord, mademoiselle Alice, qui, pour tout le monde, a couché chez elle, aura passé une mauvaise nuit. Elle peut parler, mais légèrement, de piqûres de puce. Puis, dans le courant de la journée, elle se dira fatiguée, ne suivra pas les invités, se plaindra de migraines, d'un peu de fièvre, restera à la maison. Naturellement, mademoiselle Raymonde et son amie Irène se tiendront avec elle pour la soigner. » Puis le capitaine de Casaumont se montrera très inquiet. Compris, compris. Demain, mademoiselle Alice restera au lit. Alice de Briaille joua merveilleusement la petite comédie dont Raymonde, stylée par son frère, lui donna le canevas. Il lui plaisait infiniment de se moquer de son cher cousin. Quand il vint sur le matin, la saluer, lui demander comment elle avait passé la nuit, elle lui répondit « Oh, pas bien du tout, à cause de toi. Comment cela ?» s'écria le comte. Tu as eu une idée peu heureuse de faire chauffer nos chambres. J'ai étouffé toute la nuit. Vraiment? Je craignais que l'humidité... Et puis nous avons trop fréquenté les chiens dans la journée d'hier. Ces toutous m'ont fait un cadeau dont je me serais volontiers passé. Lequel donc, ma chère cousine? Je peux te l'avouer. Une puce. Une puce? Qui n'a fait que me mordre. Je suis couverte de cloques ce matin, c'est affreux. Le comte de Marnay voulut plaisanter. Que ne nous as-tu appelé, ma chère Alice? Nous serions tous venus tancer la bête féroce et sonner la lalie chez toi. Oui, moque-toi. Si tu n'aimais pas la peau si dure, je t'en souhaiterais une cette nuit. La journée s'annonça toutefois, malgré cette mauvaise nuit, comme devant être très agréable. Mais Alice se montra sans entrain, sans goût, fatiguée. À midi, elle déclara qu'elle n'avait pas d'appétit, ne mangea pas. Dans l'après-midi, elle avoua qu'elle se sentait trop mal à l'aise pour la partie de cheval projetée. Elle demanda à rester à la maison. Mais bien qu'elle exigeât qu'on partît sans elle, la partie fut renvoyée. On demeura au château. C'était la dernière journée que le baron du Jard et le superbe baron Dupont passaient à Briailles. Des affaires pressantes les rappelaient. il devait le lendemain rentrer à Paris. « C'est toi, » dit Paulin Broquet à Gabriel, « c'est toi qui es chargé de faire expédier les bagages de ces parfaits gentilshommes ?»« Oui, chef. »« Bon, arrange-toi pour t'en emparer, par la même occasion, dans la chambre du comte, de la malle suspecte dont je t'ai parlé. »« Entendu, chef. » Gabriel glissa la malle du comte dans une housse de toile qui la masquait absolument. Il la descendit avec l'aide de l'amorce qui lui donnait un coup de main dans la cour. Mais sans qu'on s'en aperçût, cette malle fut placée non sur la charrette qui emportait les autres à la gare, mais dans l'automobile du marquis et recouverte d'une bâche. Les deux barons prirent congé du marquis de Briailles, de ses hôtes, et dans une auto furent conduits par leur ami le comte de Marnay jusqu'au chemin de fer. Ils ont à se raconter bien des choses, dit Paulin Broquet, les voyant filer, cachés derrière les persiennes de la chambre de Raoul. Cela nous arrange admirablement qu'ils s'en aillent. Quand le comte de Marnay fut parti, Paulin Broquet passa dans la chambre qu'il occupait et, avec l'aide de ses seconds, se mit à chercher. Il avait remarqué que cette chambre, par un hasard assurément voulu, se trouvait juste au-dessus de celle d'Alice. « Pas de doute, » dit Paulin Broquet. « Le comte n'avait nullement besoin de passer par le corridor, de risquer d'être vu pour accomplir son forfait. Donc, c'est par le plafond qu'il a lancé ses moustiques. » À plat ventre, Paulin Broquet, minutieusement, inspecta le parquet. Le plafond de la chambre d'Alice était blanc, avec un encadrement gris bleu et des moulures aux angles. Le simple bon sens disait que ce devait être près d'une moulure que le comte avait percé le plafond. Paulin Broquet pensa qu'à cause de la chaleur nécessaire aux moustiques, le trou devait se trouver près de la cheminée. Il inspecta d'abord cette région et, comme il s'y attendait, il découvrit assez rapidement ce qu'il cherchait. Une des lamelles du parquet de chêne était descellée. Elle joua sous la pression de la main, se souleva, céda et découvrit le plâtre. Le plâtre était creusé d'un trou pas plus gros que le petit doigt, par conséquent invisible pour qui n'était pas prévenu. Ce trou donnait dans une moulure et se confondait avec l'ombre d'une feuille d'acanthe en carton-pâte. « Maintenant, dit le détective, nous avons tout ce qu'il nous faut. Je vais rentrer à Paris. Le docteur Robert examinera les moustiques que je lui apporte. Moi, je visiterai la malle du comte, et si nous y trouvons d'autres preuves, mon bon Gabriel, à la réception du télégramme que tu comprendras, tu feras le nécessaire délicatement et tu me ramèneras le comte à Paris, où M. Urbain, juge d'instruction, lui posera quelques questions devant M. Baumier, chef de la sûreté. Puis, se frottant les mains, « Allons, allons, nous commençons à prendre notre revanche de la nuit chez Zulma. » Tout cela s'était fait rapidement, discrètement, sans que dans la maison personne, sauf Raoul, ait pu s'en douter. « Maintenant, dit Paulin Broquet à ses lieutenants, je vous laisse ici. Moi, il faut que je rentre. Malgré le sérum, je sens que la fièvre me gagne, et je ne dois pas être malade dans cette maison. » Raoul, prévenu, prétexta une course à faire à Orléans. Il monta en automobile que par plaisir il voulut conduire, emmenant seulement le valet de chambre Gabriel. Dans la voiture, sous la bâche, avec la précieuse malle, s'était glissé Paulin Broquet. À Orléans, dans une remise sûre, se trouvait une auto du service du détective qui attendait. Durant tout le parcours, le détective, redoutant les espions de Zigomard, se tint caché. L'auto du marquis de Briailles était une bonne grosse voiture de famille pour la campagne, pouvant transporter beaucoup de monde, mais à qui il ne fallait pas demander de la vitesse. Comme elle arrivait bravement au faubourg d'Orléans, des coups de trompe venant du lointain arrière lui dirent de se garer pour laisser passage. Raoul, qui tenait le volant, appuya à droite. Peu après, comme une trombe, passait une auto de course. Au volant se tenait un tout jeune homme ayant auprès de lui, dans un baquet plus bas, un mécanicien. Tous deux portaient sur les yeux des lunettes de coureur et s'enveloppaient dans une pelisse. En passant la voiture de Raoul, le jeune homme machinalement tourna la tête de ce côté. Il eut ce sourire qu'ont tous les chauffeurs triomphants quand ils passent un malheureux taco, et il disparut dans un nuage de poussière. Ce fut bref, moins long qu'une seconde, comme un éclair. Mais cependant Gabriel, qui raide dans sa livrée grise, sous sa casquette rigide, se tenait auprès de Raoul, tressaillit violemment. Il allait se retourner vers le fond de la voiture pour parler à son chef, quand celui-ci, par la vitre de devant baissée, lui dit à l'oreille « Ne bouge pas, j'ai vu. » « Lui ? Elle ? » « Oui. » Paulin Broquet, en entendant les coups de trompe, avait voulu instinctivement regarder et il avait vu, comme Gabriel, non seulement le sourire éblouissant du jeune chauffeur, mais dépassant la casquette, emportée par le vent, flottant sur le manteau de fourrure, une longue natte défaite qui voltigeait comme une flamme, une longue natte de cheveux roux dorés. Dans l'écurie de la maison que le marquis de Briaille possédait à Orléans, attendait comme dans la plus sûre des remises et gardée par deux hommes à lui, une automobile du service de Paulin Broquet. On y transborda la précieuse malle du comte de Marnay, et Paulin Broquet, transformé en bonne vieille douairière, prit place dans le fond de l'auto, la figure cachée sous un antique chapeau, abrité par une épaisse voilette. Une aimable douairière craignant les vents coulis, mais ayant dans sa poche un bon revolver prêt à faire feu en cas d'attaque sur la grande route et à se battre vaillamment contre les malandrins. Auprès de lui se trouvait la malle du comte, dont maintenant rien au monde ne pouvait le séparer. Peu après, l'auto de la douairière quittait la maison. Comme elle traversait la rue principale pour gagner la porte conduisant sur la route de Paris, Paulin Broquet, quoique frileusement emmitouflé dans le fond de la voiture, put apercevoir, rangée devant le trottoir du plus grand café, la voiture de course du jeune homme, ou de la jeune femme plutôt, et à quelques pas plus loin, venant dans la direction de ce café, deux hommes. De ces deux hommes, l'un parlait, l'autre écoutait avec le plus grand intérêt. Très absorbés, ils ne tournèrent même pas les yeux vers l'auto de la vieille douairière, qui cependant frôla le trottoir qu'ils arpentaient. Mais la vieille douairière eut le temps de bien regarder ces deux hommes et de les reconnaître. L'un était le comte de Marnay, l'autre le comte de la Guérinière.